Sultan, histoire d'un chien, par Georges Fragerolles. Comment ? Vous ne connaissez pas Sultan ? Voilà qui me surprend beaucoup. Vous devez vous tromper. Tout le monde a rencontré Sultan, au moins une fois dans sa vie. Pour mon compte, je l'ai vu pour la première fois dans un cabaret de la rue Montmartre. Il était entré sans attirer l'attention. Comme on se retirait en chœur à l'heure du dîner, on demanda « À qui ce chien ?» Personne ne le connaissait. Il était allongé sous une banquette avec l'air triste et fatigué d'un être ayant peu déjeuné et beaucoup marché. On entra en conversation avec l'inconnu. Il consentit à se lever sur ses pattes de devant, nous regarda les uns après les autres, puis se laissa retomber lourdement. Il se trouvait évidemment sans maître et depuis de longs jours ne mangeait pas à sa faim. Je voulus venir en aide à ce malheureux efflanqué. Après l'avoir flatté, m'être assuré sa sympathie par quelques douceurs, je lui passai une corde autour du cou et l'appelai. Sultan, je venais de le baptiser ainsi, se leva d'assez mauvaise grâce, me suivit sans empressement comme sans résistance, ayant l'air de dire « Autant toi qu'un autre ». Comme je demeure à Asnières, je pris le train avec Sultan et je dois dire que je fus très content de lui. Il monta dans le wagon comme un chien habitué au voyage, se fourra dans un coin pour ne gêner personne et descendit le plus lestement du monde quand je lui en donnai le signal. Mon entrée chez moi fut orageuse. J'avais à domicile un pensionnaire très jaloux et très despote, M. Tom, un petit roquet jaune, qui se mit à aboyer avec fureur lorsque je lui présentais son camarade de niche. La conduite de Sultan en cette occasion fut des plus correctes. Avec une urbanité à laquelle je me plais à rendre justice, il prit place dans une niche libre, à côté de celle de M. Tom, et se montra le plus humble possible, comme pour se faire pardonner son intrusion. Une fois dans sa nouvelle demeure, il s'endormit et quelques minutes plus tard, il ronflait comme un tuyau d'orgue. À l'aube, je descendis dans le jardin pour voir comment les choses se comportaient. Monsieur Tom, toujours très boudeur, me refusa le salut habituel du matin. Quant à Sultan, il continua à ronfler. À l'heure du déjeuner, je fis servir deux écuelles semblables. Monsieur Tom mangea la sienne avec avidité. Sultan ne broncha pas et comme j'insistais pour le décider à manger, il me regarda de travers comme pour grogner. « En voilà encore une maison. On ne peut seulement pas y dormir tranquille. » Je pensais devoir le laisser reposer. Et le fait est qu'il continua sans somme toute la journée et toute la nuit encore sans remuer. Le lendemain matin, il daigna se lever, bâilla avec bruit, fit sonner ses mâchoires comme pour s'assurer de leur excellent état, s'étira longuement puis prit amplement connaissance des lieux. Il inspecta tous les coins et recoins, contempla les murailles et les plafonds, donna la chasse à quelques chats qui faisaient la sieste sous les massifs, sembla ensuite s'orienter, souffla avec force et piqua droit vers la cuisine. Là, il poussa deux ou trois aboiements sonores. On comprit qu'il avait faim et on lui trempa une pâtée qui l'engloutit. Il redemanda et lorsqu'il eut dévoré une deuxième pâtée, il retourna faire un nouveau somme. Vers le soir, il se leva de nouveau, s'étira de plus belle, se gratta, s'éplucha, fit en un mot un bout de toilette et c'est seulement alors qu'il va me trouver. Il s'assit fièrement devant moi et remuant la queue, se balançait du cœur, il sembla dire « Maintenant, que veux-tu de moi ?» Était-ce l'influence de l'air campagnard, du repos, de la vie de famille ? Sultan me parut changer à son avantage. Sorte de César de Bazan, il avait gardé dans l'adversité même, sous la boue des chemins et les flanquements d'un long jeune, une allure cavalière et élégante. Résolu à pousser la transformation jusqu'au bout, j'ordonnai pour le jour suivant un shampoing complet au savon noir. L'opération ne sembla pas du goût de Sultan. Il tenta de s'échapper, mais solidement contenu, il dut se laisser faire. Il prit alors son mal en patience, mais aussitôt le lavage fini, il bondit et alla se rouler dans un coin du jardin où la terre était bien humide et bien noire. Jamais animal ne m'apparut alors aussi sale et aussi répugnant. « Tu ne seras jamais qu'un torchon !» lui criai-je, en lui lançant à la volée une brosse en chien-dent, instrument de son supplice. Ma colère sembla l'émouvoir fort peu, et comme je sortais pour aller faire un tour au bord de la Seine, il me suivit, força la porte à peine entr'ouverte, fila comme une flèche, et se mit à gambader autour de moi comme si rien ne s'était passé. Lorsque nous arrivâmes sur la berge, il poussa comme un aboiement de surprise et de joie, puis reprit de nouveau une course folle. Je le vis s'élancer dans l'eau, plonger, reparaître et replonger encore. pendant près d'une demi-heure, il se livra à toutes les excentricités possibles, bondissant et s'allongeant dans l'élément liquide comme un marsouin. Quand il revint vers moi, il était un peu essoufflé mais superbe. Son poil, d'un beau noir bleu, reluisait au soleil comme un miroir. Des taches d'un magnifique jaune feu ressortaient çà et là, au-dessus des yeux, autour du museau, donnant à la face une expression rare d'intelligence et de finesse. Décidément, Sultan était un beau chien, mais d'un caractère bien particulier. Plus heureux que mes contemporains peut-être, sans un événement fâcheux, aurais-je pu conserver Sultan. Je passe sous silence une série de méfaits que je consentais à lui pardonner, mais il en est un que je ne pouvais tolérer longtemps. La nuit, ne s'avisait-il pas de creuser des trous énormes dans mon jardin? Un jour qu'il m'avait déterré ainsi un superbe laurier blanc, je n'y tins plus. Je scellai un gros piton au mur, et le soir, le délinquant était enchaîné pour jusqu'à la prochaine aurore. Il se laissa faire, mais le lendemain la chaîne était cassée, et le prisonnier partit, je ne sais par quel chemin mystérieux. Je me consolai facilement. Sultan m'inspirait plus de curiosité que d'affection. Monsieur Tom, à l'occasion de cette évasion, se jeta dans mes jambes avec une telle allégresse que je le soupçonnais toujours d'avoir aidé à la fuite de son collègue. Deux ou trois mois après, il faisait un orage affreux, un temps à ne pas mettre un chien dehors, lorsque je fus réveillé, au milieu de la nuit, par un bruit épouvantable. Entre deux coups de tonnerre, j'entendais Monsieur Tom, qui se jetait avec fureur contre la porte fermée, et de l'autre côté une clameur étrange. Je sifflais Monsieur Tom par la fenêtre, je lui intimais l'ordre de se taire, je lui criais « À la niche !» Tout fut inutile, mon roquet jaune, pour la première fois de sa vie, tomba dans le défaut de désobéissance. Je pensais que décidément il se passait quelque chose de grave, et m'étant armé, je descendis. Lorsque j'ouvris la porte, une forme noire s'élança de terre et me sauta à la poitrine. Je jetai un cri d'effroi et pressai la détente de mon revolver, qui n'étant pas chargé, ne crut pas devoir partir. Mais à la lueur d'un éclair, je reconnus mon assaillant occupé, sous la pluie torrentielle, à s'expliquer avec M. Tom à un grand coup de gueule. C'était Sultan. Je fis une distribution de coups de pied, les deux ennemis regagnèrent leur niche en grondant, et je remontai dans ma chambre, trempé jusqu'aux os et de fort mauvaise humeur. La conduite de Sultan, cette fois, fut complètement différente. Autant il avait été autrefois insolent et désagréable, autant maintenant il se présenta sous des dehors aimables et caressants. Je dois dire qu'il était aussi maigre et aussi mal en poil que lors de notre première rencontre. Je n'ai aucune rancune. Le retour du chien prodigue me toucha, et si je ne fis pas tuer de vos gras, je lui servis du moins un copieux repas. Nous eûmes, à la suite de cette rentrée, un calme relatif. Sultan était doux comme un mouton et sage comme une image. Un os de gigot fut le sujet d'une nouvelle catastrophe. En vertu de ce principe que la propriété se le vole, M. Tom était propriétaire du dit os de gigot dérobé dans une maison voisine. Sultan, qui avait sans doute ce matin-là une envie d'os de gigot, profita d'un moment de distraction de son confrère et en un instant, le voleur fut volé. De là, bataille. J'intervins et il m'arriva ce qui arrive généralement en pareille occurrence, une dent, je ne sais duquel des deux chiens, me pénétra assez avant dans le pouce gauche. À partir de ce moment, le départ de Sultan fut décidé. Je le donnai à une personne demeurant fort loin de moi. Il trouva moyen de s'échapper et de revenir plusieurs fois me visiter, puis un beau jour il disparut et nous n'en entendîmes plus parler. Ce n'est que longtemps après que je connus sa nouvelle condition. Sultan était amoureux. Il s'était follement épris d'une chaîne de cirque, et pour l'amour de ses oreilles soyeuses, de ses yeux couleur d'or, il avait aliéné sa liberté. Le matin, il travaillait près de l'objet de sa flamme, sous le fouet rigoureux d'un clown sans cœur, et le soir, il faisait le beau, l'exercice des cerceaux et la charge en 12 temps devant un public idolâtre. Son grand succès était surtout une scène intitulée « Roméo et Juliette », qu'il jouait avec une jeune chienne blanche nommée Mouchette. Mouchette, vous l'avez deviné, c'était elle. À la fête de Neuilly, j'entrai un jour dans une baraque. C'est là que je reconnus mon ancien toutou et que je devinais le secret de son existence. Je restai au fond de la salle, prenant bien soin de ne pas me faire voir, et j'assistai à la séance, plaignant de tout mon cœur le pauvre animal voué à l'esclavage le plus odieux. Mais peut-être, me disais-je, est-ce là pour mon vagabond le vrai bonheur ? La représentation marchait mal. Sultan, toujours plein de zèle, comme un serviteur que la crainte d'être congédié talonne, exécuta ses différents exercices avec bonheur et succès. Quant à Mouchette, elle semblait nerveuse. Elle manqua toutes ses pointes et passa sous tous les arceaux. La foule murmura et le clown, irrité et brutal, lança à la jeune chienne un coup de chambrière si sec et si maladroit que la délicate bête poussa un hurlement de douleur et tomba sur le dos. Un autre cri, effrayant et strident, retentit et Sultan, l'écume à la gueule, vint flairer sa jeune compagne. Elle gisait inerte, morte. Alors, il se passa un fait inouï, incroyable, que n'oublieront jamais les spectateurs de cette terrible scène. Sultan, semblable à une bête fauve, se ramassa, et sans sembler ressentir les coups dont le clown affolé le criblait, il bondit sur le meurtrier, le prit à la gorge, et avant qu'on pût s'interposer, l'étrangla à moitié et s'enfuit en franchissant les gradins. La foule, terrifiée et presque sympathique au justicier, se rangea sur son passage. J'étais contre la porte. Je sortis à la hâte, et me trouvant dehors presque en même temps que Sultan, je l'appelai. Il reconnut ma voix et s'arrêta. Il me regarda un instant avec un œil humide et profond. Mais comme les gens du cirque survenaient, armés de piquets et de bâtons, il me lança un dernier adieu dans un hurlement plaintif et partit ventre à terre. Depuis ce temps, mon chien d'un jour est devenu un animal légendaire. Mes camarades et moi, nous le rencontrons au moment où nous nous y attendons le moins. On l'a vu, sérieux et raide, sur la banquette d'une voiture de maître, un superbe collier d'argent autour du cou, peigné et brossé comme un laquais de grande maison. Quelques jours après, je l'ai aperçu courant en aboyant très fort derrière une voiture de laitier lancée à fond de train. Dans le courant du même mois, il suivait piteusement, tenu en laisse, une dame âgée. À la Villette, dernièrement, il était devenu l'ami d'un toucheur de bœufs et sautait allègrement à la queue des vaches. Il a dîné tour à tour chez Duval, chez Bignon. Il a fait sentinelle devant un établissement de la bouchée de pain, guettant un mendiant rassasié. Il n'est pas revenu chez moi. Pourtant, ma maison lui serait ouverte. Peut-être a-t-il peur que je lui parle de Mouchette. Il a demandé l'hospitalité à bien des personnes que je connais. Et peut-être vous-même le trouverez-vous un soir couché devant votre porte. En vous voyant, il se lèvera et tentera de pénétrer. Ne lui refusez pas l'accès de votre logis. D'ailleurs, il n'est plus aujourd'hui un hôte important. Le matin, il vous demandera de lui ouvrir et vous faussera compagnie pour quelques mois. Pour toujours, peut-être. Dans ces conditions, si vous avez des restes dans votre buffet, faites-lui largesse d'une plantureuse pâtée. Avec le caractère que je lui connais, mon pauvre sultan ne doit pas déjeuner tous les jours. C'était Sultan, histoire d'un chien, par Georges Fragerolles.